Pour débuter cette nouvelle année de présentation du Undead Incorporated Show Réanimation, je tenterai d'être bref. Comme la tradition le veut, nous débuterons avec la première partie de la non moins traditionnelle Retro Undead, soit la rétrospective de plusieurs sorties métal tirées de 2014. Et pour cette première partie, j'aurai le lourd et pénible fardeau de recevoir le Rockmaster Alain Lefebvre. Comme si je n'avais pas assez de le co-animer avec lui à chaque vendredi, je dois encore me le taper ce soir. Mais non, c'est faux. Ce n'est pas un fardeau, mais c'est bien un calvaire. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin fou et un rockmaster avec des choix musicaux douteux. Surtout parce que j'aurai à me les entendre. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause I, Pendragon, said so. Et je n'aurais pas été bref, finalement. Et maintenant, accueillons ensemble M. Alain Rockmaster Lefebvre. Je vous en prie, calmez-vous, c'est tout de même juste le Rockmaster. Hey Rockmaster, how do you do? Merci de m'accueillir dans ton laboratoire, docteur. C'est très plaisant d'être de retour comme ça ici. Là. Il y a bien longtemps. Oui, oui, oui. Je reconnais plein de tes amis comme ça, là, dont celui là, qui fait des gaz là, dans le coin. Là, oui, là. On l'appelle affectueusement Bonhomme Zombie. Ici, je dois dire que c'est une blague d'initié. Hey, c'est vraiment, malgré le fait que j'ai eu une présentation qui était peu chaleureuse en ton égard, je dois en convenir, c'est quand même un grand plaisir de te recevoir parce que c'est comme on le disait, ça fait longtemps que t'es pas venu collaborer à Réanimation. Et ce soir, eh bien, je crois que ce sera pour toi une chance de nous exposer tes choix, comme je le disais, tout à fait douteux en matière de métal, parce que nous allons consacrer cette première édition de la Retro Undead au Rockmaster et à ses choix. Mm-hmm. Ben oui, ben oui. Et ça va me permettre de passer des choses qu'on fait pas jouer à rock classique. Effectivement. Hein, parce que pour ceux qui sont allés voir là, la liste de mes choix musicaux de 2014 sur le site de rock classique, mm-hmm. on voit qu'il y a des trucs comme Epica, Mastodon, Block God, Steel Panther. C'est tous des trucs qu'on fait jouer à rock classique. Absolument. Mais là, ce soir, on va faire malheureusement jouer. Pour Epica. Mais le reste qu'on va entendre, c'est des trucs que j'ai jamais fait jouer avec classique. On peut pas faire jouer avec classique parce non, que c'est trop... C'est trop heavy. Oui, c'est ça. C'est trop extrême. Et c'est trop extrême mm-hmm. ce qu'on fait à l'animation. Et justement, je suis fort content de pouvoir dire que ce soir, il n'y en aura pas des piqueurs. Mais évidemment, c'était là l'idée. Et oui, mais quelle bonne idée. Mais j'aurais aimé... J'aime beaucoup Arch Enemy, mais on le pense avec classique, exact. Alors on passera pas ça ici. Non, en fait, tes choix se sont avérés vers des trucs qui, comme tu le disais, qui sont complètement, je dirais, entre guillemets, inadmissibles à rock classique, oui, pour diverses raisons exactement. D'éthique, mm-hmm. voilà. Oui. Ici, on peut se permettre d'être un petit peu plus large d'esprit, et même, je dirais, de beden, là. Mm-hmm. Donc, je te laisse nous introduire ce que tu vas nous proposer dans quelques instants. Ben écoute, j'ai aimé préparer ça, ce petit menu, parce que ça m'a permis de faire un retour en arrière, de regarder de quoi a été fait 2014. Hein? Mm-hmm. D'ailleurs, excuse-moi de faire une parenthèse, mais comment as-tu trouvé 2014 au niveau du métal? Ben, j'y arrivais justement, parce que première constatation que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé que 2014, ça n'avait pas été une année terrible. On a un peu la même constatation. J'ai trouvé que les bonnes choses étaient tardives. Mm-hmm. On a eu quand même quelques bonnes sorties sur la fin oui, de l'année. Absolument, oui. Mais c'était quand même, je dirais, comme un gruyère, assez troué. Hein? Absolument. Oui. Et deuxième constatation, qui est en lien avec la première, c'est que je me suis aperçu que j'écoutais beaucoup moins de métal qu'avant. Oui? Oui. Ben, va-t'en chez vous. Et la raison est que c'est très redondant, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Tout le monde copie tout le monde. Ça fait très peu de place. On fait très peu de place à l'originalité, oui. Je trouve, en 2014. Oui. Alors, ce que j'ai essayé de faire ressortir ce soir, c'est vraiment des groupes qui, moi, me plaisent parce qu'ils font quelque chose de différent. Mm-hmm. Alors, on va commencer avec un de ces groupes qui est très différent. Mm-hmm. Un groupe australien qui s'appelle Ne Obliviscaris. Je ne les connaissais pas avant d'entendre leur deuxième album qui est paru comme ça le 7 novembre, il me semble. Oui, exactement. Album qui s'appelle Citadel. On va écouter ça et tu me diras ce que tu en penses après. Je pense qu'il s'agit d'une pièce quand même à long terme. Assez longue, c'est une pièce en trois mouvements qui dure 23 minutes. Bon, on va avoir amplement le temps de se faire une idée, mes chers petits amis, parce que tout de suite, on va écouter ce premier choix du Rockmaster. Ça s'appelle Painters of the Tempest. 'Cause we said so. Go. Go! Fragile and sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Fou de contraste. Samedi le 17 janvier, Jimmy and the Cadillac seront au café-bar Le Zénobe pour vous faire entendre leur son blues rock. Spectacle dès 21h30, 5$ à la porte. Jimmy and the Cadillac, ce samedi 17 janvier, au Zénobe, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Dans une pinte, microbrasseurs et micro-torréfacteurs se rassemblent pour vous faire découvrir des saveurs locales du petit matin jusqu'en fin de soirée. Des bières traditionnelles et novatrices, des cafés frais torréfiés autour d'une table évolutive et originale. Lieu de prédilection pour une session d'études, un souper et une soirée conviviale dans un cadre rustique évoquant l'époque ouvrière. Parce qu'il fait soif d'originalité et de qualité. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Fou d'exploration. C'est fou. h 34, vous êtes à l'écoute du Undead Incorporated Show réanimation sur les ondes de CFOU 89.1 FM avec le Rockmaster. Et oui. Et moi-même, votre humble serviteur, ce gentil Dr. Pain Pendragon. Et ce, jusqu'à 21h. Donc, comme on l'a dit en présentation d'émission, c'est la première partie de la Retro Undead 2014, mais cette première partie est consacrée aux choix musicaux métal plus extrêmes du Rockmaster. Et que venons-nous d'entendre? Nous venons d'entendre la formation australienne Ne Obliviscaris avec la longue pièce Painters of the Tempest. C'est la pièce qui couvre en entier la face 1 de leur album vinyle Citadel. C'est leur deuxième. Il est paru le 7 novembre 2014. T'as trouvé ça comment, docteur? Ben écoute, j'ai découvert ça en l'écoutant. Je ne connaissais pas le band. Et puis, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, je dois dire. Moi, j'aime beaucoup les pièces qui sont longues. Hein. Oui. J'aime beaucoup... C'est ton aspect progressif. C'est mon aspect progressif. J'aime qu'il y ait du développement. J'aime qu'il y ait plusieurs mouvements. Et je crois sincèrement que je vais m'intéresser de plus près. Oui. Oui. D'ailleurs... C'est du métal cérébral. C'est du métal cérébral, ce que je ne suis pas du tout. attendons un petit peu, toi. Il y a quelqu'un qui veut nous communiquer son appréciation aussi. Ah oui? Ah, mais c'est Horace! C'est Horace! Horace dit qu'il trouve ça correct. Ouais? Ouais, il a pas compris grand-chose, mais il trouve ça correct. C'est normal, c'est un petit singe. Mais il est super beau. Oui! Il y a contrairement à Jean-Jules, qui est un peu malpropre d'ailleurs. Ah oui! Il n'y a pas grand-chose pour lui, Jean-Jules. Non, à part qu'il est critique sévère et ça me plaît quand même, ce côté-là. La semaine prochaine, écoutez, il faut que je vous dise que oui, il y aura des choix du docteur, bien sûr, mais ça sera la semaine prochaine parce que j'aurai au moins deux émissions à consacrer sur cette rétrospective 2014. J'ai quand même pas mal de trucs que j'ai retenus. On va débuter ça la semaine prochaine quand tu ne seras pas là. J'ai aussi plusieurs trucs au niveau cinéma et séries télévision, donc je vais vous entretenir. Peut-être que tout à l'heure, je vais vous donner mon top 10 musical métal 2014, ainsi que mes mentions, si le temps... Mais non, pas mes mensurations. Les mentions spéciales, si le temps m'en permet. Et aussi, j'aurai peut-être ce soir, mais plus sérieusement, peut-être la semaine prochaine, la présentation d'un album de Marduk. Oui. Mais ça, c'est à voir, parce qu'on a encore bien des choses à nous proposer. Mm-hmm. On va y aller avec une formation là que j'apprécie depuis plusieurs années, une formation du nord-ouest des États-Unis, qui s'appelle Agalock. C'est une formation très, très atmosphérique, qui est très, très ambiante, qui fait une espèce de métal, encore là, cérébral, mais très, je dirais... quasiment instrumental. Quand tu dis cérébral, là, t'as-tu fait par exprès pour passer des choses que je comprendrais pas? Même Horace comprend. Oui, mais peux. Ça, c'est un singe, pas moi. Écoute, Rockmaster, on s'en va écouter ça de ce pas. Oui. N'est-ce pas? On va entendre la pièce Birth and Death on the Pillar of Creation du nouvel album du groupe The Serpent and the Sphere qui est paru le 12 mai dernier. Go! Thank you. C'est Agalloch. Quel nom, hein? Oui. Ça doit être un nom de démon, j'imagine. Ben, sais-tu, je me suis jamais posé la question. Non? Non. Parce qu'avec un nom comme ça me surprendrait que ce soit un nom de famille. Ça, c'est pas mal sûr. Et encore plus un prénom. Oui, oui. Non, ça sonne vraiment le prénom, le nom. Le nom démoniaque, le nom de dans la divinité de la nature. Peu gentil. Malsaine. Voilà. Oui, oui. Ce qu'on vient d'entendre, c'est Birth and Death on the Pillar of Creation. Parlant de nature comme ça. Et ça vient de l'album The Serpent and the Sphere qui est paru le 12 mai 2014. C'est un groupe que je suis depuis quelques années à Agalloch. J'avais été très déçu de leur précédent album que j'avais trouvé vraiment pas bon. Mais celui-là, il est supérieur, vraiment. Moi, honnêtement, c'est une formation avec laquelle je suis plus ou moins familier. Mm-hmm. Je connais, oui, parce que j'ai entendu à certaines reprises, je peux même pas dire j'écoutais un album complet de formation Agalloch, mais c'est une formation que je trouve, que je respecte. Là. Oui. Oui. Oui, c'est cool. C'est bien, c'est atmosphérique, c'est planant. Ça sort de l'ordinaire. Oui, absolument. Mm-hmm. C'est ce qu'on recherche dans le métal, hein, parce que comme on le disait, il y a beaucoup de choses qui sont redondantes. Oui, ben, c'est parce qu'il faut dire aussi que le docteur et moi, on écoute du métal depuis plus de 35 ans. Là. Ben, depuis le début. Oui, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, des bands qui ressemblent à 350 000 autres là, qu'on a déjà entendus. Ça nous épate plus vraiment. Là. Pas vraiment. Non, là, non. Hein? Alors, on recherche autre chose et puis, ben, c'est ce que je vous propose ce soir. Exactement. Peut-être le désavantage ou l'avantage, selon l'angle où on se place, qu'on a, toi et moi, c'est qu'on n'est pas des consommateurs jetables de musique. Non. On recherche l'aspect mélomane du truc, le un peu plus riche. Donc, oui. On veut écouter, on veut aimer des choses à long terme. Oui. Donc, exactement. C'est donc cela. Et le prochain truc qu'on va entendre, là, ça, c'est vraiment capoté. Là. Je te laisse nous introduire vraiment, à ça. Ça s'appelle Trioscape. Ça, je connais pas du tout. T'aimes le jazz? Pas du tout. Non, j'ai des aspects de jazz que je considère comme étant bon. Parce que là, on parle vraiment de métal extrême en mélangé là, parfaitement, une espèce de synthèse, de symbiose de jazz et de métal extrême. Okay. Ce qu'on va entendre, c'est la pièce The Jungle, c'est tiré de leur album Digital Dream Sequence, et qui est paru le 19 août dernier. Et c'est vraiment capoté, ça. Let's go! We'll be right back. c'était capoté, hein? Ouais, quand tu parlais de jazz, là, t'étais pas à côté de tes pompes. Ouais, c'est comme du King Crimson, mais plus extrême. Oui, c'est comme du King Crimson extrême, t'as raison. Ah, j'ai trouvé ça cool. Et encore là, c'est de la musique très cérébrale et pour ceux qui sont très ouverts d'esprit. Oui. C'est pas. Mais c'est la vocation de réanimation de passer des choses qui sont pas toujours évidentes. Oui, bizarroïdes. Ouais. On va y aller maintenant avec trois choix, je te dirais, un peu plus traditionnels de ma part. Mais c'est quand même des groupes qui ont quelque chose, une certaine originalité, n'est-ce pas? Mm-hmm. Tout à l'heure, on va entendre Goat Horror, hein? Mm-hmm. On les a déjà vus ici même à Trois-Rivières. Très bon spectacle qu'ils avaient donné au stage. Hein? Oui. C'est en première partie de Exhumed. Effectivement. On va entendre avant ça un groupe que j'aime beaucoup, qui est très compliqué aussi. C'est des virtuoses. Hein? Il s'agit de Revocation aussi. Aussi, on les a vus en spectacle à Trois-Rivières au Metal Fest il y a quoi, 3-4 ans? Je peux plus te dire exactement dans le temps, mais oui, c'est dans le cadre du Metal Fest. Oui. Mais avant ça, on va écouter un groupe extrêmement connu et qui fait vraiment du metal extrême de qualité, de très grande qualité, mélange de black et de death. Là. Je parle de Behemoth. Ah, c'est excellent. La pièce Oh Father, Oh Satan, Oh Son, tirée de leur très bon disque de Satanist qui est paru le 3 février. C'était la première grosse sortie dans le metal extrême en 2014. C'est ce qu'on écoute. Let's go!

Méchante musique! Méchante musique! Ça, je t'avais dit, docteur, c'était un bloc pas conformiste, mais un petit peu plus traditionnel, disons. Ben, dans le cadre d'une musique plus mouvementée pour le moins. Ouais. On vient d'entendre Goat Horror avec Poisonous Existence in Reawakening. C'est tiré de leur dernier album, Constricting. Je m'excuse. Constricting Rage of the Merciless. On s'excuse jamais à réanimation. Non, c'est vrai. Non. On met la faute sur quelqu'un d'autre. Oui. C'est Horace. Et voilà. Il est trop beau, il m'a distrait. C'est paru le 8 juillet dernier. Avant ça, on a entendu Revocation. Eux autres, j'aime beaucoup Revocation. Apex, c'est tiré de l'album Deathless, qui est paru le 14 octobre. C'est pas leur meilleur, mais il est bon. Puis très bon. Moi, j'ai eu un petit peu de misère ouais. avec l'album de Revocation. Avec la pochette, surtout. Ouais, entre autres. Mais comme j'avais dit à Réanimation, mais comme j'avais dit à Rock Classic aussi, j'ai mélangé tout ça. Ouais. Il y a un petit aspect core qui m'énervait dans le vocal à un moment donné. Je sais pas, là, ça, quelque chose qui me revenait pas, mais je suis difficile, moi. Ouais. Pas nécessairement une référence pour grand chose. Je trouve pas ses corps, mais c'est vraiment pas un bon chanteur. Non, c'est pas un virtuose à la guitare, mais c'est leur. Je dirais que. C'est leur talon d'Achille. Oui, à l'instar de Mastodon, ben, il y aurait besoin d'un chanteur, mm-hmm. un vrai chanteur. Oui, tout à fait. Au début du bloc, on a entendu Behemoth avec O Father, O Satan, O Son, la pièce qui clôture l'album de Satanist qui est paru le 3 février. D'ailleurs, Behemoth fait partie de mon top 10 de 2014. Mm-hmm. Si ça t'intéresse de le savoir, je vais faire la demande là-dessus. Oui, je pensais que tu m'aurais dit non, mais je m'attendais à avoir de quoi une vacciner. Mais non, tout comme dans le classique, je suis toujours poli. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je dois chapeauter aux deux endroits l'impolitesse. Oui, c'est lourd quand même. Ben, c'est tout un contrat. Mais en même temps, ça doit être reposant. Hein? Ben, en tout cas, c'est gratifiant pour le moins. Écoute, mon top 10 métal 2014 se constitue de ce qui suit. J'aurai aussi des mentions spéciales. C'est la première année que je fais ça, les afficher, les mentions spéciales. Ouais. Ma 10e position est le dernier album de Bloodbath, Grant Morbid Funeral. Que j'ai pas entendu. Que t'as pas entendu. Moi, j'ai bien aimé. Écoute, je dois dire par contre que je préfère de loin la version Bloodbath avec Mike Akerfeld. Oui, bien évidemment. Mais il reste que j'ai trouvé ça quand même pas mal bon. Behemoth est ma 9e position. Mm-hmm. Avec l'album... en fait, je répète deux fois Behemoth. La 9e position, c'est le EP Xiads. J'ai bien aimé les trois pièces de Xiads de ce mini-album. Ma 8e position est Behemoth de Satanist. OK. Que j'ai trouvé quand même fort intéressant. En 7e position, j'ai Triptychon avec Melana Kasmata. J'ai trouvé l'album très bien. J'ai préféré le précédent, le premier album, je l'ai préféré, mais celui-ci, j'ai trouvé quand même. Je dois dire que moi, j'avais aimé le premier, mais celui-là, je l'ai pas aimé. Tu l'as pas aimé, hein? Non. Ben, je vais l'enlever de bas. Je suis solidaire, moi. Un peu stupide aussi. 6e position, Septic Flesh Titan. C'est un album que j'ai trouvé fort correct, je dois dire. Ça fait partie aussi des bons albums, je trouve, de 2014. Mais on l'a passé à Rock Classic, alors je me suis dit, je reviendrai pas avec ça. Je m'en occuperai au courant des deux prochaines émissions. Cinquième position, Exodus, Blood In, Blood Out. Moi, j'ai vraiment aimé l'album d'Exodus. Ouais. Écoute, c'est probablement un des rares albums typiquement trash metal que j'ai vraiment aimé là, en 2014. Là. Ouais. Apprécié pour dire que j'ai écouté très, très souvent. Mm-hmm. On attend encore la version de luxe, hein, qui sort pas à cause de la régie du cinéma parce que il y a un DVD dedans. Alors, faut attendre qu'il y ait un fonctionnaire qui regarde ça pour mettre une cote. C'est complètement ridicule, hein. Mais, qu'est-ce que tu alors veux? Que si vous l'achetez en Ontario, là, il n'y a pas de badrage avec ça. C'est l'heure de s'embourber dans la bureaucratie. Quatrième position, Decapitated et la pièce Blood Mantra. J'ai vraiment apprécié cet album-là. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment bon. Je pense que t'avais apprécié Carnival's Forever, le précédent. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je l'avais bien aimé, cet album-là. Celui-là est différent. Il est un petit peu moins conceptuel, si on veut. Mais il était capoté, là, le précédent. Oui, tout à fait. Des très longues pièces par moment. Celui-là est un peu différent. Un petit peu plus, je dirais, In Your Face. Ouais. Avec des pièces qui sont pas des pièces de deux minutes, là, on s'entend, là, c'est pas de zombies non plus, mais c'est très percutant. Troisième position, Cannibal Corpse, Skeletal Domain. J'ai trouvé l'album très, très bon. Mm-hmm. Moi, je suis un fan un peu vendu à Cannibal Corpse, je dois dire. Principalement la version depuis que George Fisher est là. J'ai un peu plus de difficulté avec l'époque de Chris Barnes. Ouais. Quoique des pièces que je trouve intéressantes. Je l'ai écouté à plusieurs reprises, cet album. J'ai trouvé ça correct, mais contrairement à toi, moi, je suis vraiment pas un fan. Ouais, je sais. Je sais que t'as pas bien, bien le goût, toi. numéro 2, c'était une découverte, et je dois donner cette découverte-là, en fait, cette idée d'aller découvrir là à Sinistros, c'est lui qui m'a communiqué ça. Il dit, tu devrais aller écouter ça, tu devrais aimer. Formation Matt et la pièce House We Create the Hope. C'est vraiment un album très intense. C'est du death metal. Mm-hmm. C'est, bon, en fait, il y a à peu près juste du death metal là-dedans. C'est du death metal très intense à connotation, je dirais, antique, un peu comme ce que Knife fait, ces choses-là, tu sais. Très, épique. Ouais, épique. Voilà, c'est le terme, merci. Et mon numéro 1 est la dernière parution de Horror of Penance qui est Regicide. J'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment génial. C'est ton album de l'année. C'est mon album de l'année. Ouais. Horror of Penance, c'est un death metal qui est très intense, qui est très brutal. Formation italienne. J'ai trouvé qu'ils avaient vraiment comblé mes attentes au niveau de ce style musical. Dans mes 10 mentions, j'aurai en 10e position l'album de Overkill, White Devil Armory. Oui, c'est bon, ça. J'ai trouvé très bien. Ils font toujours des bons albums, Overkill. Je suis pas prêt à dire ça, mais ils sont toujours au moins intéressants. Celui-là, j'ai trouvé vraiment bien. La 9e position est Vader, TB et Inni, qui est la dernière apparition de cette formation polonaise. On s'entend que Vader, tu connais un album, tu les connais à peu près tous, là. Mais j'ai trouvé quand même que ça valait la peine d'en parler. Formation Death Metal, Incantation et Dirge of Elysium. J'ai trouvé ça quand même assez bien. Plus faible que le précédent, mais quand même intéressant. Un truc, on reçoit souvent des trucs par les publications de John Asher. J'en reçois régulièrement. Et puis, je dois dire que cette année, il m'a envoyé des trucs assez intéressants comme formation canadienne Idol of Fear et la pièce All Sights Affixed Ablaze. J'ai trouvé ça intéressant dans un petit mélange un peu dans du black and death metal. Je trouvais que c'était assez original. Le nouvel album d'Abysmal Down, Obsolescence, formation death metal, pas nécessairement extrême, un peu plus côté traditionnel, si on veut, c'est pas du Obituary non plus. Je trouvais ça que c'était... Ben, Obituary, j'ai trouvé ça très mauvais, soit dit en passant. Ah oui? Ah, j'ai vraiment pas aimé. C'est correct. C'est très correct. En cinquième position, c'est Psychotic Gardening, notre formation canadienne. Canadienne, oui. Ouais, qui m'a été encore proposée par John Asher. Ça, j'ai vraiment trouvé ça assez original. Ouais. Assez original. Moi, je me souviens que tu avais beaucoup aimé. Oui, j'ai bien aimé ça. Quatrième position, c'est formation belge Aborted, formation qui donne dans un death parfois très, je dirais, caustique. Et la pièce de Necrotic, l'album de Necrotic Manifesto. En troisième position, c'est une formation que j'ai découvert sur le tard de la fin de l'année, là, pratiquement dans la dernière semaine de l'année, c'est Noctiferia et l'album l'album Pax. C'est un mélange d'industriel, de métal, à travers lequel on met du groove. C'est un peu hétéroclite. J'ai trouvé ça fort original. C'est ça que t'avais oublié le nom, hein. Tu pensais que c'était Cafeteria. Exactement. Quelle mémoire. At the Gates en deuxième position et l'album Tom at War with Reality. Oui, il est dans ma voiture en ce moment. Oui, je pense que tu as aimé toi aussi. Mm-hmm. Moi, j'ai été fort surpris. J'ai toujours tout respecté The Gates. Je suis pas un consommateur de métal européen au départ, mais ça, je trouve que c'est de qualité. Ouais, ben c'est, ben en fait, je dirais The Gates, je trouve ça correct. Là, c'est bon, là, mais ça me fait penser à du Arch Enemy, mais moins bon. Moi, c'est mon opinion à The Gates. OK. Moi, étant pas un fan de Arch Enemy, j'ai retrouvé plus mon compte avec The Gates. Mm-hmm. En première position, ce que je considère comme étant une mention fort intéressante, c'est Cannabis Corpse, un joke band, si on veut, avec l'album From Wisdom to Bait, qui, ma foi, est à la fois, je dirais, en regardant les paroles, les titres, assez amusant, mais très efficace musicalement. Mm-hmm. Voici. On va aller en pause publicitaire, mon cher ami. Et puis tout de suite après, on revient parce que tu as une présentation à nous faire. Oui. Allons-y. Fou de découverte. C'est fou, 89.1. Vendredi le 16 janvier, votre café-bar Le Zénob reçoit la formation Street Meat, qui viendra vous présenter son univers sonore particulier de musique folk non traditionnelle. Pour une soirée festive avec Street Meat, rendez-vous ce vendredi 16 janvier au Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Débat, enquête, entrevue. Pour tout savoir sur les enjeux étudiants, ne manquez pas les coups des franches avec Yann Bellemare et Jean-François Chapdelaine, tous les lundis, 13h. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 18h. En rediffusion, les samedis à 20h. Fou de merveilleux. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. h 36, malheureusement, je dois dire que l'émission touche à sa fin. C'est émission et fin en même temps. Moi, je vais économiser du temps au maximum. Mais par contre, il nous reste encore quelques bons plats de résistance, n'est-ce pas? Oui, en effet. Tu sais, docteur... Non, je ne sais pas encore. Oui, tu sais. OK, je le sais. Pendant de nombreuses années, j'ai écouté beaucoup de black metal. Oui, je trouve que ça a donné des résultats qui sont assez douteux d'ailleurs. Et je me suis rendu compte vraiment dans les dernières années que j'en écoute quasiment plus. Ben peut-être comme le métal en général. Oui. Mais encore moins puisque j'écoute moins de métal, mais j'écoute encore moins de black metal à l'intérieur de ce que j'écoute comme métal. Et la raison est simple, c'est que ce qui sort, c'est pas très intéressant. Et c'est du vraiment... Réchauffé. Oui, très réchauffé, là, des trucs qu'on a entendus des millions de fois. Y a des groupes là-dedans, par contre, qui se démarquent. En tout cas, il y en a un pour moi, en 2014, peut-être s'est démarqué, c'est 1349. Alors, on va aller écouter une pièce tirée de leur dernier album, qui s'appelle Massive Cauldron of Chaos, qui est paru le 29 septembre, et ce sera suivi de quelque chose de complètement différent. Oui, l'opposé. Oui. On dit pas c'est quoi. Non. Allons faire un tour dans l'année de la grande peste, n'est-ce pas? Oui, exactement. L'arrivée de la peste en Europe. C'est parti. What a party in hell! C'est une bavaroise en enfer. Tout à fait. Et là, c'est vraiment, ça détonne, hein, la réanimation, ça. Là, là. Ben écoute, moi, j'ai jamais passé ça. J'oserais pas jamais le refaire non plus. C'était Trollfest, hein, formation scandinave, complètement déjantée. Ça, c'est vraiment pour les gens très ouverts d'esprit et non pas pour les conformistes. Là. C'est sûr que quelqu'un de conformiste va détester profondément. Et les gens festifs aussi. Oui, c'est fait pour les gens festifs. D'ailleurs, en spectacle, je les ai vus deux fois, là, puis c'est méchant party. Ouais. Là, c'est les gens embarquent vraiment. Ce qu'on a entendu, c'est Total Ramp qui ouvre l'album Captain Chaos. Et la piétitude, bien sûr. Ça, c'est paru le 28 mars. Et je le dis encore, là, c'est si vous avez la chance de les voir en spectacle, là, ça vaut vraiment le détour. C'est très drôle. D'ailleurs, la première fois que tu les as vus, ils étaient bien en abeille, n'est-ce pas? Oui, ils étaient bien en abeille. C'était dans le cadre du Pagan Fest. Ça en a rebuté plusieurs. Moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est vraiment pas à prendre au premier degré. Ces gars-là, c'est pas des idiots. Là. Non, mais écoute. Ils font les idiots, mais ils le c'est sont pas. C'est du théâtre. Exactement. Et ça met de la couleur dans le métal, qui en manque souvent. Hein? Eh ouais, ben souvent, la seule couleur appliquée dans le métal, c'est le noir. Oui, c'est ça. Ben, qui est une absence de couleur. Exactement. Et eux, ils mettent beaucoup de couleurs. Hey, mon cher Alain, il y a des spectacles qui sont à venir. Hey, on a oublié de dire qu'avant ça, c'était 1349. Ben, oui, hein, c'est un groupe de black scandinave aussi. Ce qu'on en a vu, c'est la pièce Cauldron, tirée de l'album Massive Cauldron of Chaos, paru le 29 septembre. Ça, je dois t'avouer, à mon grand détriment, que je trouve pas ça si mauvais que ça. Ah oui? Oui. Oui. Ouais. Ben, c'est un des bons groupes, je trouve, dans le genre black, là, en ce moment. Je sais que Sinistro s'en passait à l'occasion à l'époque. Mm-hmm. Et puis, je m'en rappelle plus ou moins, mais il me semble que j'avais un souvenir qui n'était pas trop négatif. Ouais. Mais non, c'est correct. Ouais. C'est correct. C'est cool. Brief Concert International vous propose le mardi 3 février prochain à 20h au Club Soda, le Pirate Fest 2015. Ah, ça va être drôle, ça aussi. C'est sûr que tu vas y aller, toi. Oui. Oui. Oui. D'ailleurs, la dernière fois qu'ils ont fait, est-ce que c'est au Metropolis? C'est au Club Soda. C'est au Club Soda. La dernière fois qu'ils ont fait le Club Soda, Storm, c'était avec Trollfest. Oui. Alors, c'était une méchante beuverie. Ben, j'imagine, oui. Ben, en fait, parlant de beuverie, avec un band comme Hellstorm, ça risque d'être aussi assez festif, là, mm-hmm. j'imagine. Oui. Ils sont accompagnés de Swashbuckle. Ils sont très drôles. Hellstorm? Oui. OK. Ben, c'est pas lui qui m'avait dit qu'à la fin du spectacle, il dit amenez-moi jusqu'au bar avec en bas les surfing. Oui, il dit je suis un alcoolique, alors amenez-moi au bar. C'est ridicule, là. Donc, Hellstorm en compagnie de Swashbuckle, de Dead's Crew of Hollywood. Comme je disais, c'est le mardi 3 février à 20h au Club Soda. Et le prix des billets est 21,74 et 26,09 plus taxes. Disponible à la billetterie du Club Soda. Ici, dans cette région mauricienne, plus précisément trifluvienne, eh bien, Trois-Rivières Metal présentera sa 14e édition du Metal Fest, soit le 20 et le 21 mars prochain, qui, dans les faits, c'est une 14e édition, mais en 2015. Oui. Parce qu'on aura fait abstraction de la présenter l'automne dernier. Le vendredi, vous pourrez voir les formats. Écoutez, là, je vais tenter de tout vous les lire parce qu'il y a des logos qui sont pas évidents, puis j'ai pas de listing vraiment en caractère d'imprimerie. Le vendredi, vous pourrez voir les formations Outlying, Kaylee Taurus, Huggery, Terrorizer, Obliterance, je crois, je ne suis pas certain. Soulsayer, Cryptopsy et Guard the Throne. Et tant qu'au samedi, bien le premier, je ne peux pas vous le dire. Car Chaos, Belighted. Est-ce que c'est Belighted, ça? Belighted, oui, oui, c'est un gros français. C'est français ou belge? Oui, t'as raison, c'est français, je pense. Gorguts, l'autre, je ne sais pas. Genetic Error, et ça fait longtemps. Oui, mais c'est le retour de Genetic Error. Tout à fait. Razor et Flesh God Apocalypse. Donc, si vous voulez avoir tous les détails, rendez-vous sur trois-rivières-metal.com et vous allez avoir tous les détails. La semaine prochaine, à réanimation, ce sera le début des choix du doc, c'est-à-dire que je vais vous présenter enfin de la bonne musique. Non, en fait, je vais y aller avec... moi, la semaine prochaine, je vous le dis, c'est en ordre chronologique de sortie que je vais vous présenter ça, donc il n'y a pas de structure, en fait, entre, si on veut, entre les styles. C'est vraiment du début d'année, ce que j'ai retenu, aller jusqu'à la fin en chronologie. Je vous présenterai la semaine prochaine aussi quelques extraits, en fait, trois extraits du nouvel album de Marduk, que j'ai trouvé fort intéressant. Cette semaine, à Rock Classique, parce que nous y serons, bien sûr. Oui. On a des choses intéressantes aussi pour les amateurs, les vrais amateurs de vrai rock. Comme... Je savais que je te prendrais au dépourvu. Oui. Écoute, il va sûrement avoir un segment de groupe obscur. Oui, c'est la deuxième partie consacrée au trio suisse, parce que lors de du premier segment, ils étaient un quatuor, bien ils sont devenus un trio. Est-ce qu'on parle de Maxophone? Non, parle de Toad. Ah, Toad, c'est non, on va l'attendre, on va avoir, parce que ça va être un 3 pour 1 le vendredi. Oui, oui. Alors, oui, il va avoir un 3 pour 1 de Maxophone. OK. Il va en avoir un de Genesis. Good. Il va en avoir un de Yes. Yes. Des choix. Oui. Là, t'es dans une, je te dirais, une poussée rock psychédélique, hein, parce que c'est pas mal tout psychédélique c'est ce que t'as choisi. Effectivement, tous des bandes à tendance à connotation très psychédélique. Donc, on va entendre. En fait, mes choix cette semaine sont maximalement le plus récent, je crois, c'est 70. Oui. Donc, vraiment, c'est vraiment dans les années mi-60. Les années 60. Oui, tout à fait. Et je présenterai en guise d'album classique le premier album de Zombies qui porte le même titre, un album homonyme. Voilà. Qui est sorti exactement 50 ans cette année, ce mois-ci. Oui. Tout à fait. Mm-hmm. Donc, c'est une émission à ne pas manquer pour les vrais amateurs de vrai rock. Rock classique en compagnie du Rockmaster qui est là et de moi-même. Oui. C'est compté de 11 heures. Mon cher Rockmaster, oui. Une dernière pièce à nous proposer pour clore cette édition? Ben oui, on va y aller avec du métal viking. Hein? As you wish. Parce que j'aime bien le métal viking. Oui, viking. Oui. Alors, on va entendre la formation King of Asgard avec The Runes of Hell. C'est la pièce qui ouvre l'album Karg, qui est paru le 22 juillet dernier. C'est pas le meilleur groupe viking au monde, là, mais je trouvais que c'était un bon album. C'est intéressant. Oui. D'accord. Là, je peux pas. J'aimerais bien vous assurer que Progression Chaotique vont être présents à 21h. On n'a pas certain, on n'a pas de confirmation, mais je vous invite quand même à rester assez fou. Oui. Tout à fait. Donc, on écoute ça. Et merci beaucoup. Hein. Ce fut très plaisant. Ouais, je dois te dire que pour une fois, tu as été agréable. Ah! Merci Rockmaster, on se retrouve vendredi et puis oui. On se retrouve nous autres mardi prochain dès 19h pour réanimation. Et puis d'ici là, bien entendu, voici la prescription de votre bon docteur. Allez tous vous faire foutre. Go!